Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre sous son sourire. Tu le soutiens sur son lit de douleur. Tu transformes sa couche au milieu de la maladie. Moi j'ai dit Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme. Car j'ai péché, je te le dis. Mes ennemis parlent de moi avec malice. Quand mourra-t-il? Quand son nom périra-t-il? Mes amis viennent me voir, mais parlent en secret. Leur cœur amasse l'iniquité, leur langue en rit. Celui qui mangeait mon pain sois éternel, sois-moi favorable. Relève-moi, manifeste ta compassion. Je sais que tu prends plaisir en moi.